joueur Manu Lima. Alors à la bannière, un capri. Alors à la bannière, un capri ou le vini. Au vini, ça m'a cloné, disait l'amour à nous. Bali, mané, cocola, ta cloné, moque, moque. Casa aí.